Et on était arrivé maintenant à cet endroit dans le livre où le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit فجهلوا توحيد العبادة وأنكروه فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه فوقعوا في نفيه أيضا وصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا فنشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. Donc il dit le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan qu'ils ont ignoré le tawhid dans l'adoration et ils l'ont renié et ils sont tombés dans le shirk qui vient en opposition, hein, qui nie le tawhid, et ils l'ont embelli, ils ont essayé de l'embellir, le shirk. Ils ont également ignoré le tawhid d'Allah dans les noms et dans les attributs, et ils ont renié, et ils sont tombés dans ce qui vient, hein, en opposition, ou bien ils sont tombés dans ce qui le nie aussi. Et il dit, et ils ont écrit à ce sujet-là des livres, hein, et ils ont cru que leur croyance était vraie alors qu'elle est fausse, et l'étrangeté de l'islam, hein, est devenue de plus en plus forte au point que le bien est devenu mal et le mal est devenu bien, et les gens, hein, quand ils sont petits, ils grandissent là-dessus, et les vieux, ils vieillissent dans cette croyance-là. Et là, ils parlent bien entendu des gens de Kalam. Les gens de Kalam, c'est-à-dire les gens qui ont basé leur compréhension de la croyance de l'islam sur la philosophie, au lieu de se baser sur les textes du Coran et de la Sunna. Et donc, pour eux, comme on a expliqué au dernier cours, il n'y a qu'une catégorie de tawhid, c'est tawhid al-rububiyya. Mais tawhid al-ibada, l'unicité d'Allah dans l'adoration, ou tawhid al-asma wa-sifat, l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs, pour eux, ça ne compte pas et ça n'existe pas. Hein? Allah al-musta'an. Et donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique des points à ce sujet-là. Il dit, « لِأَنَّ مَنْ جَاهِلَ شَيْئًا وَقَعَ فِيهِ وَهَذِهِ مُصِيبَةً أَنَّ الْإِنسَانِ يَجْهَلُ الشِّرْكِ فَيَقَعُ فِيهِ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ مُسْلِمٌ مُوَحِّدٌ وَالْوَاجِبُ مَعْرِفَةُ الشِّرْكِ لِكَيْ يَحْذَرْهُ يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. اي نعم ذكره ابو المظفر الاصفرايني في كتابه التبصير في الدين والتمييز. نعم. Donc le cheikh il explique que celui qui ignore une chose, hein, on dit de, comme le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, ils ont ignoré le tawhid dans l'adoration, ils l'ont renié, donc ils sont tombés dans le shirk qui vient en négation avec le tawhid. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit oui, parce que celui qui ignore quelque chose, il tombe dedans. Hein, c'est ça le malheur. Il dit, quand quelqu'un ignore qu'est-ce que c'est le shirk, il tombe dans le shirk facilement. Et il pense malgré tout qu'il est un musulman et qu'il est sur le tawhid. Hein, donc il dit l'obligation c'est donc de connaître le shirk pour qu'on puisse s'en prévenir. Il dit parce que comme l'a dit le poète, j'ai connu le char, hein, le mal, non pas pour le mal, ça dit j'ai appris le mal, pas pour faire le mal, hein, mais pour m'en préserver. Il dit parce que celui qui ne sait pas distinguer entre le mal de ce qui est bien, eh bien il va tomber dedans facilement. ولهذا يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وهذا هو الفقه العظيم. Donc le cheikh il dit que Hudhayfa ibn al-Yaman, un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhu, il disait, les gens avaient l'habitude de demander au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à propos du bien seulement. Tandis que moi, je lui demandais à propos du mal, par crainte que ça m'arrive, hein, que ça me touche. Donc, ça c'est une grande compréhension de la part de Hudhayfa. Donc beaucoup de gens aujourd'hui, ils parlent ou ils disent tawhid, ils parlent du tawhid, mais ils ignorent le shirk. Et quand on ignore le shirk et la réalité du shirk, c'est facile de tomber dans le shirk par la suite parce que on n'a pas vu des exemples et on comprend pas qu'est-ce que ça signifie. Et donc c'est ça le malheur. En ce qui concerne l'autre point au sujet du tawhid dans Al-Asma wa Sifat, le tawhid des noms et des attributs, le shaykh dit wa kadhalika jahilu tawhid al-asma wa sifat wa ankaruh wa qalu hadhihi al-ayat allati fiha al-asma wa sifat laysat ala zahiriha li anna zahiraha يقتضي التشبيه والتجسيم فذهبوا في ذلك إلى فريقين إما أن يفوضوها ويقولون ليس لها معنى معروف وإما أن يؤولوها إلى معان أخرى غير معانيها الصحيحة فعطلوا أسماء الله وصفاته من مدلولاتها التي تقتضي التشبيه والتجسيم بزعمهم فهل الله عز وجل يخاطب العباد بشيء فيه تجهيل وتضليل وأن هذه النصوص ليست على ظاهرها هذا تجهيل وغش ينزه الله عز وجل عنه ولهذا يقول أحد كبرائهم القرآن كله الشرك والعياذ بالله لماذا؟ لأنه كله توحيد فالتوحيد يسمونه شركا والشرك يسمونه توحيدا وما هذا إلا لانتكاس الفطر والعياذ بالله وبعضهم يسمي كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب الشرك لأنه أثبت الأسماء والصفات لله عز وجل يعني وعندهم ذلك شرك لأنه تشبيه وتجسيم بزعمهم فانظروا كيف أن الله عز وجل يعمي البصائر وينكس الفطر عقوبة لمن أصر على الباطل ورفض الحق والذي قال أن كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة شيخ الإسلام ابن خزيمة رحمه الله قال عن كتابه كتاب التوحيد بأنه كتاب الشرك هو فخر الرازي فخر الدين الرازي في كتابه التفسير الكبير عند تفسيره لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهذه الآية في الكتاب الذي سماه بالتوحيد وهو في الحقيقة كتاب الشرك والعياذ بالله. يعني donc ils ont inversé la religion. Qu'est-ce qui est tawhid, ils l'appellent shirk. Qu'est-ce qui est shirk, ils l'appellent tawhid. Et donc le cheikh Al-Fawzan il dit ces gens-là ils ont ignoré également le tawhid d'Allah dans ses noms et dans ses attributs et ils l'ont renié. Et ils ont dit les versets dans lesquels on parle des noms et des attributs d'Allah ne doivent pas être pris dans leur sens apparent parce que leur sens apparent selon eux implique une ressemblance et comme eux, qu'est-ce qu'ils appellent, ils traduisent ça par l'anthropomorphisme, hein, le fait de faire ressembler Allah à ses créatures. Et comme c'est comme de faire ressembler Allah à ses créatures ou bien d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un corps quelconque. Et donc ils sont arrivés à cette conclusion-là à cause des philosophies, des philosophes et des idéologies des philosophes qui, pour eux, yani, ont établi certaines règles soi-disant rationnelles ou logiques dans lesquelles yani, ils prétendent que ces choses-là ne peuvent pas être attribuées à Dieu ou à Allah, puis que donc il faut les nier. Hein? Donc si Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il s'est attribué des attributs et des noms, et nous, on ne doit pas les accepter parce que, selon les philosophes, ces choses-là ne peuvent pas être attribuées à Allah. Donc quand Allah qui dit qu'il est al-Sami' al-Basir, ils disent non, ça c'est pas possible. Ou bien quand il dit qu'il est Mustawin ala al-Arsh, il dit non, ça c'est pas possible. Et quand il dit qu'il a al-Yad wal-Ayn wal-Basar, quand il dit que yani yanzilu ila sama'i dunya, comme c'est mentionné dans la Sunna, eux ils disent non, ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce que selon eux, ça c'est du tashbih, c'est de faire ressembler Allah à sa création, ou du tajsim, hein, d'attribuer un corps à Allah. Et donc ils se sont divisés en deux groupes, ces gens de Kalam se sont divisés en deux groupes, les gens du tafwid et les gens du ta'wil. Les gens du tafwid, c'est ceux qui font un tafwid, ils disent c'est personne peut savoir la signification de ces noms et de ces attributs là c'est seulement Allah qui sait qu'est-ce que ça signifie. Donc quand tu lis ces mots-là ou ces attributs ou ces versets qui parlent des attributs, c'est comme si c'était des mots chinois qui n'ont aucun sens ou aucune signification. C'est-à-dire personne ne peut leur donner une signification réelle. Donc quand tu lis Ar-Rahman ou Alal Arsh Istawa, ben Istawa, c'est comme, dis-toi que c'est comme un mot chinois, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que ça veut dire. Quand il dit qu'Allah il a une main, donc dis-toi que le mot Yad, en arabe ici, ça ne veut pas dire yad, ça veut dire autre chose, c'est comme un mot étranger, que personne ne peut comprendre, excepté Allah. Yani, alors que lorsque tu vois comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé ses noms et ses attributs, et quand il en a parlé, de même que les sahaba, ils ont cru en ses noms et en ses attributs-là tels quels. Ils n'ont pas essayé de les déformer de leur sens réel. Ils n'ont pas dit que qu'est-ce que ces mots-là signifient sont autre chose que leur sens réel et apparent. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait à chaque fois, il disait Walladhi nafsi biyadih. Walladhi nafsi biyadih. Ça veut dire quoi? Celui dans la main de qui est mon âme. À chaque fois, quand il parle à ses compagnons, il leur dit ça. Est-ce que, une des fois, quand il leur a dit ça, il leur a dit, je dis que mon âme est entre la main d'Allah, mais il faut pas penser que Allah, il a une main réelle comme les, hein? Ou bien que sa main est comme les créatures ou des choses comme ça. Il n'a pas mentionné ça. Hein? Il a mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main. Et dans le Coran, c'est écrit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Et ça implique que sa main ne ressemble pas à la main des créatures. Hein? Il ne ressemble pas à la main des hommes ou la main des animaux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main qui convient à sa majesté, à sa perfection, et qui est différente de la main de ses créatures. Et donc, une fois qu'on a compris ça, hein, on n'a pas besoin de nier ou de dire qu'on ne peut pas les comprendre. Et la même chose pour les autres qui sont les mu'awwila. Al mu'awwila, c'est ceux qui donnent aux attributs une signification différente. Eux, ils nient pas la signification. Ou bien ils disent, la main, ça ne veut pas dire la main, ça veut dire la puissance. Ou la main, ça ne veut pas dire la main, ça veut dire la force. Ou la main, ça ne veut pas dire la main, ça veut dire la grâce. Hein? C'est comme si quelqu'un, tu dis à quelqu'un, va me chercher un verre d'eau, il te ramène une chaise. Il dit, ben oui, parce que le verre d'eau, ça veut dire chaise pour moi. Yani, subhanallah. Ça, c'est tu joues avec les mots. Allah, il dit qu'il a une main, toi tu dis ça veut pas dire la main, ça veut dire la puissance. Si Allah voulait dire la puissance, il aurait dit puissance, il aurait pas dit main. Plus deux mots différents. Hein? Ou la grâce. Tu dis la main, c'est pas la main, c'est la grâce. Et dans un autre verset, il dit qu'il a deux mains. Hein? Quand il a dit, par exemple, par rapport à la création de Adam, il a dit, lima khalaqtu biyadayya. Donc si tu vas prendre ce verset-là, tu vas dire, yani, si ça veut dire al-qudra, ça veut dire bi-qudratayya, ou bien si c'est la grâce, tu vas dire bi-ni'matayya, avec mes deux grâces, ou avec mes deux puissances. Allah, il a deux puissances? C'est quoi ça? Hein? Il a deux grâces? Les grâces d'Allah sont innombrables. Comment tu dis qu'il a deux grâces? Donc, ça, c'est pour dire que ces gens-là, ils déforment les sens du Coran. Tu leur dis, est-ce que quand Allah il dit la main, s'il voulait dire autre chose, est-ce qu'il n'aurait pas dit autre chose? Pourquoi tu joues avec les versets? Donc ça c'est les mu'awwila, ceux qui font qu'est-ce qu'on appelle at-ta'wil. Et at-ta'wil, à la base, ça, c'est une signification qui est bonne. Ça veut dire le tafsir. Ta'wil, c'est le tafsir. Mais eux, ils le font dans le sens du tahrif, c'est-à-dire de déformer le sens des versets. يحرفون الكلمة عن مواضعه. Donc ça, c'est les deux groupes, les mufawwida et les muawwila. Et donc, le résultat, c'est qu'ils ont essayé de nier les attributs d'Allah ainsi que ses noms, et ils ont essayé de vider les noms et les attributs d'Allah de leur sens, parce qu'ils ont prétendu que ça veut dire de donner à Allah une ressemblance parmi ses créatures, ou de faire ressembler Allah à une créature ou à un corps ou des choses de ce genre. Et donc il dit, le cheikh il dit, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse à ses serviteurs, il s'adresse avec eux par des choses qui impliquent de l'ignorance ou de l'égarement? C'est-à-dire, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut garder ses créatures dans l'ignorance? Ou est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut égarer ses créatures lorsqu'il leur parle? Il leur dit quelque chose, mais qui veut dire le contraire de ce qu'il dit? Ça fait pas de sens. Et donc, leur méthodologie, elle implique en fait qu'ils sont en train d'attribuer à Allah l'ignorance et l'égarement. Parce que ça impliquerait que Allah voulait garder ses créatures dans l'ignorance, ou bien qu'il veut les égarer de qu'est-ce qui est apparent. Il dit وَأَنَّ هَذِهِ النُّصُوصُ لَيْسَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا وَهَذَا تَجْهِيلٌ وَغِشٌ يُنَزَّهُ اللَّهُ عَنْهُ. Donc Allah, il doit être purifié de ce genre de prétention ou d'idée qu'il aurait voulu tromper ou égarer ou garder ses créatures dans l'ignorance pour ce genre de choses-là. Puisque le but de la révélation, c'est de leur faire connaître Allah. Allah, il nous a révélé le Coran pour qu'on puisse le connaître, pour qu'on puisse l'adorer correctement. Et c'est pour ça qu'il nous a révélé ses noms et ses attributs. Et un d'entre les grands parmi les gens de Kalam, de ces gens d'égarement, ils ont dit, tout le Coran est du shirk. Ça, c'est qui a dit ça? Je pense que c'est Ibn Arabi, une des têtes parmi les soufis. Il a dit, tout le Coran est shirk. Il dit, pourquoi? Parce que pour eux, tout le Coran parle du tawhid. Donc pour eux, le tawhid, c'est le shirk. Parce que eux, ils ont dit, ça c'est Ibn Arabi. Ibn Arabi, il dit, il croit qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Tout ce qui existe est Allah. Il n'y a qu'une seule existence, c'est Allah seul qui existe. Donc, il n'y a pas de créateur et créature. Tout ce qui existe est Allah. Et la créature, c'est le créateur, et le créateur, c'est la créature. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux. Ça, c'est pour eux le tawhid, parce que ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule existence. Et celui qui dit qu'il y a une différence entre le créateur et la créature, pour eux, c'est le mushrik. Donc celui qui dit il y a une différence entre le créateur et la créature, pour eux c'est un mushrik, parce qu'il dit il y a deux existences, Allah et la création. Et donc eux ils disent à propos des mushrikines qui adorent des idoles, tant qu'ils ne font pas de distinction entre l'idole et Allah, ce sont des muwahhidines, ils sont sur le tawhid. Mais s'ils croient qu'il y a une différence entre l'idole et Allah, dans ce cas là c'est des mushrikines. Donc ils disent que le Coran, il enseigne le shirk et il n'est que du shirk. Pourquoi? Parce que le Coran nous appelle à distinguer entre le créateur et la créature. Et ça c'est en contradiction avec leur croyance. Allahu musta'an. C'est ça que je me demande, comme tu dis, est-ce qu'ils ont un livre? Donc c'est des gens qui ont pris le livre et qui l'ont lu la tête en bas. Allahu musta'an. Ils ont pris le Coran, ils l'ont lu à l'envers, la tête en bas, et ils en sont sortis avec un sens comme ça qui est complètement opposé à la réalité. Et il dit, le cheikh, il dit également, certains d'entre eux, et il parle de Fakhruddin al-Razi, il a dit à propos de l'imam Ibn Khuzaymah, cheikh al-Islam, un des imams parmi les imams des salaf dans le hadith. Il a écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Tawhid, dans lequel il affirme les attributs d'Allah, ils mentionnent tous les hadiths et les versets à propos d'Allah et de ses noms et de ses attributs. Eux, ils disent ça c'est un livre de shirk, parce qu'il a affirmé les noms et les attributs dedans. Hein? Donc une fois j'étais dans le métro, j'ai rencontré un de ces gens-là qui nie les noms et les attributs d'Allah, parmi les gens de la secte des Ahbash, la mosquée Salah ad-Din sur l'avenue du Parc. Je lui ai dit Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Il m'a dit anta kafir. Yani c'est comme ça ces gens-là. T'affirmes tu dis Allah s'est élevé sur son trône. Il m'a dit toi t'es kafir. Donc c'est comme ça ces gens-là. Si tu leur affirmes ce que Allah a affirmé à lui-même, t'es un kafir. Allah al-musta'an. Donc ça c'est l'exemple. Et ils disent pourquoi tu dois pas dire ça, parce que ça c'est du tashbih. Hein? Tu fais ressembler Allah à sa création. Mais c'est Allah qui l'a dit lui-même. Hein? Et il a dit laysa kamithlihi shay. Il y a rien qui lui ressemble. Donc ça veut dire pourquoi tu penses qu'il y a une ressemblance? Elle n'a pas de ressemblance. La ressemblance elle est dans ton esprit, hein? Dans ton imagination malade. Mais dans la réalité, il n'y a aucune ressemblance entre Allah et sa création. فَانْظُرْ كَيْفَ أَنَّ اللَّهَ يُعْمِي الْبَصَائِرِ وَيُنَكِّسُ الْفِتَرِ عُقُوبَةً لِمَنْ أَصَرَّ عَلَى الْبَاطِلِ وَرَفَضَ الْحَقِّ. Donc il dit, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala aveugle, hein, des gens, et comment il leur nature propre, et leur nature d'origine a été corrompue par punition pour eux, comme châtiment pour eux, pour avoir persisté dans le faux et rejeté la vérité. Et donc le cheikh il dit, et ça c'est ce qui arrive lorsque l'islam devient étrange, hein, lorsque les gens commencent à ignorer la réalité de l'islam et que le bien commence à être mal, hein, et le mal est vu comme étant bien et le bien est vu comme étant mal. Et les petits et les grands, ils vieillissent, les vieux vieillissent là-dessus, et les petits grandissent là-dessus. Donc après, ils comprennent plus, hein, ils comprennent plus du tout, ils ne distinguent plus du tout entre le vrai et le faux. Le cheikh, il dit, cheikh Al-Fawzan, il dit, « Ishtadda ghurbat al-Islam, ishtaddat ghurbat al-Islam al-Sahih, amma al-Islam, al-Da'wa, أما إسلام الدعوة فهو كثير فالمسلمون الآن بالمليارات كما يقولون ولكن الإسلام الصحيح غريب بين أهله المنتسبين إليه ومن قام به جهل ولقب بالألقاب الشنيعة وكم يلقى أهل التوحيد من معادات وخصومات انظر في كتب الفرق الضالة وكيف يوجهون إلى علماء السلف وعلماء التوحيد التهم والافتراءات وماذا كتب دحلان عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الدرر السنية من الافتراءات على الشيخ ولكن هذا لم يضر الشيخ رحمه الله ولا دعوته بل أصبح هذا الكتاب مثبتا على صاحبه وعلى أتباعه لأنه سجل فيه جهالاته وضلالاته وشهد على نفسه بمعادات التوحيد وأهله. Donc le cheikh il explique l'étrangeté de l'islam, il est devenu de plus en plus grave aujourd'hui, mais par rapport à l'islam authentique, le vrai, hein. Tandis que l'islam prétendu, hein, beaucoup de gens disent qu'ils sont musulmans, mais l'islam c'est pas quelque chose que tu dis seulement avec ta bouche, hein. Il faut que cet islam-là soit établi sur des preuves, sur la réalité. Et donc il dit beaucoup de musulmans aujourd'hui, si tu regardes dans le monde, on dit que les musulmans sont des milliards, hein, on dit qu'un milliard de musulmans sur terre. Mais l'islam authentique, le vrai, il est étrange, hein, parmi les musulmans, parmi ceux qui se disent musulmans. Il dit, et même que celui parmi les musulmans qui s'accroche réellement à la réalité de l'islam, il est traité d'ignorant, ou on lui donne des surnoms, hein, pour le critiquer, pour le blâmer. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il dit, combien de gens parmi les gens du tawhid, ils sont détestés, et on leur fait des oppositions dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et il dit, regardez les livres des différentes sectes égarées, et comment ils envoient des mensonges et des fausses accusations contre les gens du tawhid, hein, et des oppositions contre les gens du tawhid, et comment ils ont envoyé contre les ulama des salafs et les ulama du tawhid des mensonges et des fabrications, hein. Et il donne l'exemple d'un d'entre eux qui s'appelait Dahlan, hein, à l'époque du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a écrit un livre qui s'appelait Ad-Durar al-Saniya fi al-Radd 'ala al-Wahhabiyya. Et dedans, qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit en défense du shirk, et il invente toutes sortes de mensonges contre le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans ce livre-là. Et donc le Cheikh, il dit, mais ces mensonges, est-ce qu'elles ont fait du tort au Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et à sa da'wa? Il dit, au contraire, elles sont devenues, ces livres sont devenus, hein, un témoin dans lesquels ses ignorances et ses égarements sont enregistrés contre lui et son groupe, hein, et qui prouvent que c'est des gens qui témoignent contre lui que son groupe était en opposition avec le tawhid et les gens du tawhid. C'est des gens là qui critiquent le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab parce que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab interdisait l'adoration des tombes et des morts, et la célébration des innovations et la pratique de l'adoration des morts et des tombes. Eux, ils reprochent ça au Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et ils écrivent des livres contre lui pour essayer de le réfuter dans ça, pour expliquer que de renier l'adoration des morts, c'est du kufr, et que celui qui n'adore pas les tombes, il n'est pas un vrai musulman, il n'a pas respecté les salihin et les awliya, et plein d'autres mensonges comme ça aussi. Donc ils n'ont pas fait du tort aux gens de la vérité par ces livres-là. Au contraire, ils ont fait du tort à eux-mêmes, hein, parce qu'ils ont affirmé le faux et ils ont nié la vérité. Et ces livres-là existent encore aujourd'hui. Les livres de ces gens-là, ils existent encore aujourd'hui. Et les réfutations des ulama de la sunna et du tawhid contre ces livres existent aussi. Alhamdulillah, les ulama, ils ne sont pas restés silencieux face à ces accusations-là. Non, ils ont écrit des livres pour les réfuter et pour montrer la fausseté de ce que ces gens-là prétendent. Donc, alhamdulillah. Et le Cheikh, il dit ensuite, وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن كثير وغيره من الحفاظ. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam a débuté de manière étrange et elle redeviendra étrange comme elle a débuté, hein? Alors annoncez la bonne nouvelle du paradis pour les étrangers, hein? Cheikh, il a cité juste la première partie du hadith. Et Touba al-Ghuraba, c'est mentionné dans le hadith, le Cheikh il l'a pas cité, mais je l'ai mentionné quand même. Et il dit également dans le hadith suivant qu'il a cité, le hadith des 73 sectes, il dit que les juifs se sont divisés en 71 sectes, et que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et que ma umma, il a dit cette umma va se diviser en 73 sectes. et qu'elles seront toutes en enfer excepté une. Et les sahabas ont dit, ô messager d'Allah, laquelle est-ce que, hein, laquelle sera au paradis? Et il a dit, ceux qui sont sur ce que je suis moi-même aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Hein? Et donc, ce hadith, il est rapporté de différentes voies authentiques, et ça a été mentionné par Ibn Kathir et d'autres parmi les savants du hadith. Et le cheikh ici, Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, awwalu ma bada'a l'islam, awwala ma bada'a l'islam, كان الرسول صلى الله عليه وسلم مختفيا في دار الأرقم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وليس معه إلا نفر قليل وكان الإسلام غريبا ثم أخذ يظهر شيئا فشيئا حتى عم المشارق والمغارب ثم يعود غريبا في آخر الزمان كما بدأ فالإسلام الصحيح يعود غريبا بين المسلمين المدعين للإسلام فكيف بالكفار فهذا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قال ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس يعني دو ناراسيون الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس هؤلاء هم الغرباء. Donc le cheikh il explique qu'au début quand l'islam est apparu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait se cacher pour prêcher l'islam. Et il se cachait dans la maison d'un des compagnons, Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Il n'avait personne, un petit groupe avec lui seulement, qui croyait. Et l'islam, yani, par la suite, s'est propagé, hein, et est devenu de plus en plus apparent, jusqu'à ce qu'il s'étende de l'est à l'ouest. Puis, il dit que, vers la fin des temps, l'islam va redevenir étrange encore une fois. C'est-à-dire que l'islam authentique va redevenir étrange parmi les musulmans qui se disent appartenir à l'islam. Alors que dire des koufars dans ce cas-là, hein? Si l'islam va devenir étrange parmi les musulmans, alors imaginez parmi les koufars, encore plus, hein? Et donc il dit ça, c'est l'information qui nous vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne parle pas selon la passion. Hein? Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَى فَطُوبَ لِلْغُرَبَى. Donc l'islam va redevenir étrange comme elle a débuté. Alors annoncez la bonne nouvelle du paradis aux étrangers. Et ils ont dit, les sahaba, qui sont les étrangers au messager d'Allah? Il a dit dans deux narrations, il y a deux narrations. La première narration, il a dit, ce sont ceux qui sont restés bons alors que les gens deviennent corrompus. Et dans l'autre narration, ce sont ceux qui réforment ce que les autres ont corrompu. Hein? Donc ceux qui sont restés bons en eux-mêmes alors que les gens deviennent mauvais, et ceux qui réforment ce que les autres ont corrompu. Hein? Donc ceux-là sont les ghurabas. Ce sont ceux-là les ghurabas. Et donc, par rapport à ça, le cheikh il a été questionné. Il dit: وَسُئِلَ شَيْخُنَا حَفِظَهُ اللَّهُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ هَلْ عُدَتُهُ غَرِيبًا يَتَكَرَّرُ عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ أَمْ هُوَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَقَطْ فَأَجَابَ هَذَا يَتَكَرَّرُ عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ وَلَكِنْ يَشْتَدُّ هَذَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ وإلا قد يعتريه غربة في بعض الأماكن وفي بعض البلاد لكنها تشتد في آخر الزمان ولهذا يقول ابن القيم العلامة ابن القيم رحمه الله والدين منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. Donc le cheikh dit, hein, on lui a posé la question, est-ce que l'étrangeté de l'islam, c'est quelque chose qui va se reproduire à travers les époques, ou que c'est quelque chose qui arrivera seulement à la fin des temps? Et le cheikh, il a répondu en disant que non, c'est quelque chose qui va se reproduire à différentes époques, mais à la fin des temps, ça va devenir plus dur encore. Et donc, il dit que c'est possible que ça soit dans un endroit plus fort qu'un autre, et dans plus pire, ouais, plus pire, hein, plus dur. Et déjà, on dit pire, ça suffit. Plus pire, c'est hein? Pire que, ouais, pire que, mais plus pire, c'est déjà trop, c'est trop. Non. Donc, il dit ça. Dans certains pays, ça peut être plus, ça peut être pire que dans d'autres, et dans certaines époques, plus que d'autres. Et dans la fin des temps, ce sera pire. Dans la fin des temps, ce sera pire. Et comme Ibn al-Qayyim disait, yani, la religion, elle est secourue par Allah et éprouvée. Alors ne sois pas étonné, parce que ça, c'est la règle d'Allah. Hein? C'est la sunna d'Allah. Et donc, la religion, elle est secourue et elle est éprouvée. Donc, il y aura toujours des épreuves dans la religion, tout le temps. Hein? Il y aura toujours des tests. Et en ce qui concerne le hadith des 73 sectes, Cheikh Al-Fawzan il dit: wa hadha hadithun jayyidun mashhur akhbara fihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an iftiraq al-umam ath-thalath ummatu al-yahud wa ummatu an-nasara wa ummatu al-islam fal-yahud iftaraqu ala 71 firqa laysu ala dinin wahid bal hum firaqun kathira kulluhum yashmaluhum ismu al-yahud wan-nasara iftaraqu ala 72 فرقة وهم يزعمون أنهم نصارى وسوف تفترق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة أكثر من اليهود والنصارى. قالوا: وهذه أصول الفرق، وأما الفرق فهي تتفرع إلى أعداد كثيرة، وهذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ومن يطالع كتب الفرق مثل الملل والنحل للشهرستاني أو مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري وغيرها يرى الفرق الكثيرة، وكل فرقة تنقسم إلى فرقة من شيعة وقدرية وجهمية ومعتزلة إلى آخره، فرق شتى. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كلها في النار لأنها خالفت الحق. وكونها في النار يختلف باختلاف ما هي عليه، فقد تكون في النار مخلدة فيها إذا كانت مفارقتها تقتضي الردة والكفر، وقد تكون في النار لا تخلد فيها، فيكون هذا من باب الوعيد، فتعذب بقدر ما عندها من المخالفة للحق. فليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار أن كل هذه الفرق كافرة، بل فيه تفصيل بحسب نوع الافتراق. فالافتراق ينقسم إلى قسمين: افتراق ضلال فقط وافتراق كفر وشرك. Donc on va traduire cette partie avant de traduire le petit bout qui reste. Le cheikh il dit que ce hadith il est célèbre, et dans ce hadith il nous informe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe à propos de la division des nations, des trois nations: la umma des juifs, la umma des chrétiens et la umma de l'islam. Les juifs, ils se sont divisés en 71 sectes. Donc ils ne sont pas une seule religion. Hein? Ils sont différentes sectes. Et ils sont tous réunis par le nom de Al-Yahoud, c'est-à-dire les juifs. Toutes ces différentes sectes, on les appelle les juifs. Les chrétiens, c'est la même chose. Ils se sont divisés en 72 sectes et ils prétendent tous être des chrétiens. C'est pour ça aujourd'hui, tu vois, il y a les protestants, les catholiques, hein, et parmi les protestants, il y a les adventistes, les baptistes, les méthodistes, les pentecôtistes, il y a l'autre secte aussi qui est la secte des orthodoxes. Et parmi les orthodoxes, il y a différentes églises. Celle de l'Orient, celle de la Russie, celle de la Grèce. Hein? Toutes les différences entre eux. Et des différences de croyances aussi, et des différences de pratiques. Donc, 72, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 72 sectes, les chrétiens. Et il a dit que cette umma, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, va se diviser en 73 sectes, encore plus nombreuses que celles des juifs et des chrétiens. Et il dit ça, ce sont les bases de ces sectes-là. Il dit, mais sinon, hein, chacune de ces sectes se divise en différentes branches aussi. Et ça, il dit, c'est une information du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne parle pas selon la passion. Donc il dit la vérité. Et il dit, il y a des livres qui ont été écrits par des ulama de l'islam au sujet des sectes, comme un livre qui s'appelle Al-Milal wa Nihal, de quelqu'un qui s'appelle Al-Shahristani, et aussi Abul Hassan al-Ash'ari, il a écrit un livre qui s'appelle Maqalat al-Islamiyin. Il y a un autre livre qui s'appelle Al-Farq bayn al-Firaq. Ce livre est écrit par Al-Baghdadi, un des ulama qui s'appelait Al-Baghdadi. Tous ces livres-là sont des livres dans lesquels on énumère un différent nombre de sectes. Hein? Par exemple, les Shia, les Qadariya, Jahmiya, les Mu'tazila. Puis, comment ces différentes sectes-là se sont divisées elles-mêmes en différentes sectes. D'accord? Et donc, tout ça, ça vient confirmer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit sur le fait qu'elles sont divisées et qu'elles seront tous en enfer parce qu'elles ont contredit la vérité. Et le fait qu'elles soient en enfer, eh bien, ça peut être différent selon leur réalité. Chacune de ces sectes-là, quand on dit qu'elles seront en enfer, eh bien, ça peut être différent selon leur réalité. Et ça, c'est un point qui est important à clarifier parce que beaucoup de gens parfois ont mal compris sa signification. Donc le cheikh, il dit que yani, c'est possible que quand on dit que certaines de ces sectes-là seront en enfer, c'est-à-dire qu'elles seront pour l'éternité, et ça, c'est lorsqu'elles se sont séparées de la vérité par rapport à quelque chose qui est une apostasie ou du shirk ou du kufr majeur. Donc dans ce cas-là, elles ont quitté l'islam. Toutefois, il y a d'autres parmi ces sectes-là qui seront en enfer, mais qui ne vont pas y demeurer éternellement. Hein? C'est-à-dire que c'est une menace de l'enfer et qu'elles seront châtiées selon ce qu'elles ont opposé de la vérité. Hein? Et ce par quoi elles ont contredit la vérité. Et donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit que toutes ces sectes seront en enfer excepté une, le fait qu'elles seront toutes en enfer ne veut pas dire qu'elles seront toutes des sectes mécréantes. Certaines, hein, il dit il faut détailler à ce sujet-là selon la sorte de division qu'elle a eue, cette secte. Donc il dit que la division, elle se divise en deux catégories. La division qui est une division d'égarement seulement et qui n'implique pas qu'elle soit devenue une secte mécréante, et une division de shirk et de kufr qui, dans ce cas-là, impliquerait qu'elle est devenue mécréante et qu'elle est sortie complètement de l'islam. Dans ce cas-là, oui, elle sera éternellement en enfer. Mais sinon, les autres, c'est dans le cas de la menace, dans le sens de la menace. Et le cheikh dit wa qawluhu illa wahida ya'ni anna wahidatan minha fil janna wa thintan wa sab'una fil nar wa lidhalika summiyat hadhihi al wahida bil firqati an najiyah qalu man hiya ya rasul Allah unzur ila ihtimam as sahaba ridwanallahi alayhim yas'aluna man hiya hatta ya'rifuha fayattabi'unaha wa yatamassakuna bimanhajiha قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الصراط المستقيم الذي قال فيه الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوه فلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فلا ينجو من النار إلا من كان على مثل ما أنا عليه إلا فلا ينجو من النار إلا من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والعمل في الاعتقاد والعمل والخلق. Donc le cheikh il dit que quand le prophète صلى الله عليه وسلم a dit elles seront toutes en enfer excepté une, hein, c'est-à-dire il y en a une certes qui sera au paradis et 72 en enfer, et c'est pour ça qu'on l'appelle la secte sauvée ou le groupe sauvé. Et ils ont dit ô messager d'Allah, laquelle sera, est-ce que ce sera, hein, laquelle est-ce que ce sera? Et il dit regardez l'importance que les compagnons ont donnée à connaître, hein, le groupe sauvé, puisqu'ils ont demandé laquelle est-ce que ce sera, celle qui va être au paradis, pour qu'ils puissent la connaître, pour qu'ils puissent la suivre, pour qu'ils puissent s'accrocher à sa méthodologie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est celle qui suit ce que je suis moi-même aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Et donc le cheikh il dit donc ce que suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, c'est le droit chemin et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de suivre dans le verset 153 dans surat Al-An'am. Oui, 153 dans Sourate Al-An'am. Et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le. Et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous diviser, hein, de son chemin. Voici ce que Allah vous a enjoint pour que vous puissiez atteindre la piété, taqwa. Donc, nul ne sera sauvé de l'enfer, excepté s'il suit la même chose que ce que suivait le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons dans la croyance, dans la pratique et dans le comportement. Voilà le chemin qui va nous amener au salut. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine, inshallah, dans la suite de cette explication, ou plutôt demain. C'est demain la suite, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا